à ce moment mes yeux se ferment. Mon stylo glisse sur la feuille et vient la magie. Arrivent ces mots sur un ton ferme. J'écris, ça vient du cœur et de la tête frère. Je t'écris pour donner des images d'un monde sincère. Mes pensées posées sur des pages et des pages. J'ai trop de choses à dire et puis on change avec l'âge. Aujourd'hui je veux plus qu'on me dise qu'on a toute la vie. J'ai vu la maladie attraper beaucoup trop de mes amis. Et personne peut jamais répondre à tant d'injustice. Pourquoi des fois j'ai l'impression qu'on est tous complices. Je suis fatigué, pourtant je suis jeune et fasciné. J'ai croqué la vie à pleines dents mais elle est empoisonnée. Le mal est fait maintenant, cherche des mots pour le raconter. C'est ma façon d'exorciser tout ce qui dans ma vie m'a frappé. Et personne me fera changer ce que j'ai à dire, non. J'ai trop de choses à dire, trop de choses à dire. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités, ne pas les gaspiller. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités. Dieu sait qu'on en a vu des choses. Aujourd'hui, tu poses, cause, tant de prose. De toutes ces années fortes portées sur moi, je relâche. Soulage ma vie par quelques textes par mois. À part ça, quoi de neuf? Face à tous bluff, je reste le même con, le même cool, le même rough. En face des mêmes relous, des mêmes potes, des mêmes keufs. Je reste naturel, ça tue les faux et le superficiel, tu sais. Je fais pas de détour, guette mon parcours avec amour. Avance toujours pour que mes projets puissent voir le jour. On attend ça avec mes gars, c'est qu'on lâche pas. Face à tout ça, coudé, on craque pas. On sait où sont nos priorités, on est une minorité. Ça marche par fidélité, pour nous c'est une sécurité, yeah. On fonctionne en restant nous-mêmes face à tout ça. On sauve la face et un atout. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités, ne pas les gaspiller. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités. Ce qui me pousse à remplir les blocs-notes et vider les cartouches. Vous amenez ma vie, tu sais, juste là où ça touche. C'est de quoi je parle, c'est quand on s'aime qu'on sait où se faire mal. Je réalise qu'à chaque fois que j'écris, faut d'abord que ça me fasse mal. Après je vise, mais j'ai bien étudié le terrain. Dès qu'il y a une bonne prise, je lâche ce que j'aime et je reste serein. Je me compare à personne, t'as vu, juste à moi. Chacun se connaît, mais faut croire qu'on n'est pas tous comme ça. Quand est-ce qu'on arrête de se bluffer avec des fausses fiertés? On part tous un jour, alors à nous de savoir exister. Moi j'écris, j'ai des choses à vous dire, je vous le dis. Écrire pour écrire, écrire pour l'amour de dire ici. On veut s'en sortir avec des frères ici. Mais sache que c'est pareil pour pas mal de frères aussi. La vie c'est trop cher pour attendre que les autres finissent leurs conneries. Je tricherai pas avec ce qui me nourrit, non. Non. Parce que j'ai trop de choses à trop dire. Trop de choses à dire. Tu sais, ouais, trop de choses à dire. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités, ne pas les gaspiller. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner ses opportunités, ne pas les gaspiller. Savoir s'offrir le pouvoir de dire. Avoir la volonté de bousculer son avenir. Savoir ne pas basculer, bassiner.